to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Ce superbe album de Anthrax, peut-être mon préféré avec le morceau Super Hero, extrait de We've Come For You All, qui sera définitivement le dernier enregistré avec l'excellent chanteur de Armored Saint, John Bush, bien entendu, également la guitare sur cet album, Rob Caggiani, qu'on a ensuite vu œuvrer pour Volbeat. Voilà, donc restez bien derrière votre tuner pour Overdrive. On devrait avoir de l'excellente musique ce soir, notamment le dernier album du groupe Aventasia qui nous sort son prochain album sur Napalm Records. On va diffuser tout de suite un morceau sur lequel on retrouve le chanteur de Camelot, ce sera Tony Karlevic, et le morceau Against the Wind. Vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive. Excusez-moi. Il s'agira de Against the Wind avec Kenny Lecremo qu'on a vu dans le groupe Heat. Tout de suite en invité sur ce dernier album de Aventasia. We'll be right back. Yes, un groupe qui est revenu ces dernières années et qui fait tout particulièrement plaisir, il s'agira de cet excellent combo qu'est ce Helicopters tout de suite. Ils nous reviennent avec le bien nommé Overdriver sur le label Nuclear Blast, et c'est du High Energy Rock and Roll, comme ils savent si bien le faire dans Helicopters. Yeah. venez d'entendre Dynasty avec ce Devilry of Ecstasy. Tout de suite, c'est bien sûr sur Overdrive Radio Duo. Vous retrouverez ce morceau sur l'album Game of Faces. On continue maintenant avec cet album sorti sur Rock of Angels Records, Air Force, avec cet album Acts of Madness. Là aussi, si vous aimez le metal mélodique, on y retrouve Doug Sampson ex Iron Maiden dedans, notamment donc Air Force avec Life Turns to Dust. Ça va être maintenant extrait donc de cet album Acts of Madness, comme je disais. Retrouver l'ancien guitariste de Maiden, ce sera bien sûr sur Overdrive Radio Duo. Il est maintenant 22h, passé de deux petites minutes. We'll be right back. Vous venez d'entendre ce groupe After Us All sur MNO Music avec cet album Rebirthed et le morceau Empty Space. Tout de suite, Overdrive, on continue encore une fois avec du metal mélodique et Majestica. On va continuer tout de suite avec ce groupe, avec Björ, qui nous sort cet album éponyme aujourd'hui même sur MNO Music. Et on va s'écouter tout de suite ce petit jeu d'enfant sur Overdrive Radio Duo. Tu vas manger tes morts, faire l'amour à ta maman. la récré t'es mort. On se retrouvera au shit. On te piquera ton froc. Si la maîtresse le sait, je te ferai ingurgiter un beignet de crotte de nez qu'on aura fait nous-mêmes. J'attendrai l'heure de la cantine, ce sera plus tranquille. Si la maîtresse nous voit, tu diras que c'est pour jouer, que c'était ton idée, que j'ai pas de sang sur les mains et qu'on est bien copains depuis le début d'année. C'est speed metal, ça sera autour de Steel Inferno et ça va débiter la tronçonneuse avec Cut Down by the Chainsaw. Oh! Définition même de ce groupe Destruction, We Are Destruction ici, comme le hurle ce Schmir, décidément indécrottable, toujours leader de ce groupe après maintenant 40 ans de métier. On continue dans Overdrive avec Eggman's Chair. Eggman's Chair nous revient avec ce dernier album sorti sur Nuclear Blast, super bien reçu. Néanmoins, le groupe vient d'annoncer qu'il annulait tout simplement, ou reportait plus précisément, sa tournée, alors qu'ils viennent tout juste de sortir leur nouvel album. Alors, ils n'ont pas vraiment donné de raisons précises. Ils ont invoqué une raison personnelle et une impossibilité de faire ces concerts. Donc, c'est bien sûr dommage, mais on leur souhaite beaucoup de courage et en tout cas, on les félicite pour ce dernier album, Saddiction, qu'on écoute tout de suite avec le morceau In Disguise par Eggman's Chair. Toujours très nébuleux, une ambiance un petit peu new wave. Thank you. Vraiment excellent, tout en finesse que ce Hangman's Chair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est maintenant 22h passé de maintenant plus de 37 minutes et on va passer un peu plus de métal extrême avec Maceration et cet album Serpent Devourment pour du bon vieux death metal des familles avec ce morceau qu'on va écouter tout de suite, Serpent Devourment, et le morceau The Den of Misery. Et maintenant, il s'agira du tour de Savage Land avec ce Army of the Trees, Army of the Trees, qui est un disque plutôt à tendance environnementale qui vient de voir le jour sur Season of Mist. Tout de suite, Savage Land, Army of the Trees, et le morceau qu'on va diffuser tout de suite, qui s'appelle, extrait de cet album, Army of the Trees, The Last Howl. Ce sera bien entendu sur Overdrive Radio Duo. Thank you. vraiment excellent que ce dernier album de Savage Land. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est temps pour nous de passer à du technical death metal avec Obscura, qu'on va écouter tout de suite avec le morceau In Solitudes sur Overdrive. Hein. Obscura qu'on a vu du côté de la MJC au Totem avec Gorod en première partie. Hein. Ça devait être une excellente soirée. Je n'y suis pas allé parce que j'étais bien entendu devant la table d'Overdrive Radio Duo. Obscura A Sonification sur Overdrive pour quasiment terminer l'émission ce soir. Terminer Overdrive avec un morceau de Marty Friedman, extrait de son dernier album In a Child. Ce sera le morceau A Prayer. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le www.facebook.com. org, facebook.com/overdrive-radio-duo. Également la plateforme Mixcloud sur laquelle sont hébergés les podcasts. On se dit à la semaine prochaine, même fréquence pour 90 minutes de musique qui pulse.